Le chef du rocher. Le bouc s'assoit sur le rocher. Je suis le chef de ce rocher. Regardez mes cornes, dit-il. Le renard s'assoit près du bouc. Personne n'est le chef de ce rocher, dit-il. Le bouc est en colère. Il baisse la tête et... bang! Le renard tombe en bas du rocher. Qui est le chef? Le renard regarde les cornes du bouc et dit, c'est toi. Un lapin saute sur le rocher. Il s'assoit près du bouc. Va-t'en, dit le bouc. Non, je ne veux pas, dit le lapin. Regarde mes cornes, dit le bouc. Je suis le chef. Non, tu n'es pas le chef, dit le lapin. Le bouc est en colère. Bang! Le lapin vole dans les airs et tombe par terre. Le bouc rit très fort et dit, qui est le chef? Le lapin regarde les cornes du bouc et dit, c'est toi. Le bouc s'assoit sur le rocher. Bien, c'est moi le chef, dit-il. Une abeille s'assoit près du bouc. Tu n'es pas le chef, dit-il. Oui, je le suis, dit le bouc. Regarde mes cornes. Toi? Tu n'as pas de cornes. L'abeille se met à rire. Elle montre son dard au bouc. Bé, dit le bouc, je n'aime pas voir ton dard. Cache-le, s'il te plaît. Qui est le chef de ce rocher? Dit l'abeille. Le bouc regarde le dard de l'abeille et dit, « Tu es le chef. » « Non, dit l'abeille, je ne suis pas le chef. Tu n'es pas le chef. Ce rocher est à nous tous. »